Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et si vous vous rappelez l'émission de la semaine dernière, Mélanie Jean nous avait présenté le projet d'un quartier futuriste à Toronto, le quartier Quayside. Alors dans ce quartier, les données numériques alimenteront un modèle informatique pour moduler par exemple la tarification des transports ou l'éclairage urbain. Et ce beau quartier sera développé par Sidewalks Lab, une filiale de Google. Et elle avait conclu sa chronique en disant, donc je la cite, « Reste maintenant à s'assurer que chaque décision soit prise pour améliorer le sort des citoyens et non plus dans le seul but d'ajouter des gadgets pour multiplier l'accumulation de données. » Eh bien, voilà qui mettait la table à l'entrevue que nous allons faire avec Dominique Klisch aujourd'hui. Il est conseiller en éthique à la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Et cette commission vient de publier un avis sur la ville intelligente, un avis intitulé « La ville intelligente au service du bien commun ». Ligne directrice pour allier l'éthique au numérique dans les municipalités du Québec. Parce qu'effectivement, la ville intelligente, on en parle. Montréal s'est dotée d'un bureau de la ville intelligente et numérique. D'autres villes, comme Québec ou Sherbrooke, se présentent aussi comme des villes intelligentes. Mais il y a des enjeux éthiques à évaluer au sujet de cette ville intelligente. Et c'est ce qu'a fait la commission de l'éthique en sciences et technologies. Alors, voyons ça avec Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, en premier lieu, Dominique, je pense qu'il faudrait déjà définir un petit peu ce qu'on entend par ville intelligente. Oui, c'est un défi. Hein. C'est vraiment le premier défi qui est de définir ce qu'on entend par ville intelligente, qui est un terme qui est utilisé à plusieurs sources. Donc, il faut être conscient de la dimension marketing, un peu buzzword de l'expression, mm-hmm. en prendre et en laisser dans ce qu'on trouve autour de la ville intelligente. Donc, déjà au départ, il y a plusieurs appellations qui vont être utilisées. Donc, il n'y a pas uniquement le terme de ville intelligente, mais ville numérique aussi. Par exemple, ville pilotée par les données. Donc, l'exemple du quartier là, de Toronto. Et parlant à cet effet-là, on parle aussi de communauté intelligente, de territoire intelligent. Donc, nous, on utilise le terme de ville intelligente essentiellement parce que c'est le terme qui est consacré, qui est celui qui est le plus utilisé de manière générale. Mais il faut néanmoins se rappeler que ça peut porter à confusion. Ce n'est pas uniquement les villes qui peuvent être intelligentes, tandis que des villages ou des municipalités pas, ouais. d'autres ouais. tailles peuvent aussi chercher à devenir plus intelligentes, entre guillemets. Et il faut aussi, lorsqu'on parle d'intelligence, se rappeler qu'on parle de l'intelligence au sens un peu où on parle de téléphone intelligent. Donc, on n'est pas dans le on n'essaie pas vraiment de faire une identité, là, de dire que la ville est intelligente au même titre qu'un être humain. On parle effectivement d'intelligence plus en termes de réactivité, en termes de mise en réseau, en termes de... trucs comme ça. Donc, une fois qu'on a apporté ces nuances-là, donc à la commission, nous, on a retenu comme définition là, pour travailler cette tendance-là qu'ont les municipalités à travers le monde de voir dans l'utilisation accrue des données, des technologies numériques, une manière d'améliorer la gestion et les services aux citoyens. Donc, une utilisation de données, de technologies, avec certaines visées qui sont celles de l'administration municipale. Ça s'accompagne généralement d'une valorisation de la culture numérique ouais. aussi, donc, qui va viser à réformer des manières de faire dans les administrations publiques, à accroître les consultations, la participation citoyenne. Donc, à titre d'exemple d'initiative là, qu'on appellerait toutes de villes intelligentes, c'est très, très varié. On va parler d'applications de gestion de stationnement, comme l'application Copilote à Québec, mm-hmm. par exemple. Des portails de données ouvertes. Donc, le gouvernement du Québec, avec plusieurs villes, a mis en ligne un portail de données ouvertes municipales récemment. On peut penser à des capteurs aussi qui vont être dispersés dans le mobilier urbain à travers la ville, reliés en réseau dans le but de fournir d'informations sur certains polluants, par exemple, mm-hmm. sur le niveau de luminosité, etc. Ou on peut aller jusqu'à des centres de prise de décision en temps réel, alimentés par la collecte et l'analyse de données massives, des centres intégrés de décision. Donc, ce sont tous des facettes, si on veut, de la ville intelligente. Oui, puis là, quand on parle de ville ou de village, comme vous disiez, est-ce que c'est la même vision de la ville intelligente qui s'exprime, par exemple, à Québec, à Montréal, ou des villes gigantesques comme Singapour? Bien, évidemment, c'est ça. Le concept de ville intelligente est, comme je dis, un certain flou qui vient avec lui. Ça se manifeste de manière très, très différente là, dans les différents endroits où ça se développe. Donc, dans les mégapoles américaines, européennes ou asiatiques, ça ne sera pas la même chose qu'à Montréal. Ça ne sera pas la même chose non plus que dans les plus petites municipalités québécoises. Donc, ça nous amène déjà à un premier point, l'importance d'insister sur un discours qui va mettre en premier plan les besoins réels de chaque municipalité, de chaque communauté, plutôt qu'une exigence de révolution numérique qu'on entend souvent dans le mm-hmm. discours, qui va être mise de l'avant par les plus enthousiastes, mais aussi, évidemment, par ouais. les grandes entreprises de télécommunications. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un décalage entre ce qui est promu, la révolution numérique qui frapperait les villes, et la réalité des municipalités québécoises? Oui, d'une certaine manière, il y a un décalage important. C'est un des premiers constats qu'on a eu l'occasion de faire, dans le fond, dans les travaux à la commission. on est en contact avec un discours qui met beaucoup l'accent sur la croissance démographique des villes, le fait que les villes vont être au cœur des nouveaux défis pour le 21e siècle, au plan environnemental, par exemple, au plan de la mobilité. Donc, ça soulève un ensemble d'enjeux déjà, mais lorsqu'on essaie de remettre ça en contexte au Québec, on se rend compte que la situation est très différente dans plusieurs municipalités. Donc, pour plusieurs municipalités au Québec, par exemple, on est plutôt dans une situation de décroissance démographique. C'est ça. Donc, les besoins sont tout à fait différents. Là, on tombe dans un premier risque éthique assez important, qui est celui qui est posé par une logique de l'offre technologique. Ce qu'on entend par là, c'est le fait, par exemple, d'adopter des solutions numériques essentiellement parce qu'elles existent, parce qu'on nous en fait la promotion. Mais pas forcément parce qu'on en a besoin. C'est ça, c'est dans l'air du temps. Donc, on trouve une technologie, elle est intéressante, une solution numérique qui est disponible sur le marché, mais on va trouver une manière de l'intégrer dans le fond dans notre municipalité. Des fois, c'est une question, justement, lorsqu'on parle de décroissance démographique dans plusieurs villes, c'est une question d'attractivité, d'aller chercher des citoyens, d'aller chercher de l'investissement. Donc, on voit le numérique comme une carte d'affaires, dans le fond, comme une manière d'attirer les gens un peu vers notre ville. Mais ça nous amène à une approche où on peut adopter des solutions qui ne sont pas les plus adaptées aux besoins réels. D'un côté, on a des entreprises de télécommunications qui voient dans les villes un nouveau marché pour leurs produits. Et donc, pour les municipalités, l'idée, c'est pas de craindre ces entreprises-là qui ont leurs intérêts légitimes, mais quand même d'avoir les ressources nécessaires pour résister au chant des sirènes. Donc, s'assurer de bien faire les choses dans leur passage au numérique, si c'est vraiment ce qu'elles désirent, et d'éviter à ce moment-là d'allouer des ressources qui sont déjà rares, souvent limitées, à des projets qui auront peu d'impact, peu de bénéfices concrets pour la population, la qualité de vie. Et alors, comment les municipalités peuvent se prémunir contre ce risque? Il faut qu'elles aient des experts en leur sein pour juger la valeur des solutions numériques. Effectivement, un des manques importants, surtout lorsqu'on quitte le champ des très grandes villes, c'est la disponibilité d'une véritable expertise à l'intérieur des municipalités qui est en mesure de faire contrepartie, si on veut, au discours promotionnel qu'on va avoir de l'autre côté. Donc, on est dans une situation où le marché, il n'y a pas beaucoup de joueurs et où, de l'autre côté, les villes n'ont pas toutes les ressources pour pouvoir bien contextualiser justement ce discours-là et bien évaluer leurs besoins, bien évaluer quel type d'application va pouvoir répondre à ces besoins-là. Et donc, le besoin d'une expertise solide, indépendante est là, vraiment. Ça, c'est une des manières, c'est le premier rempart, si on veut, pour avoir un rapport de force qui est plus équilibré avec les fournisseurs. C'est pas évident que l'ensemble des villes va pouvoir l'avoir à l'interne et donc il y a différentes manières d'aller consolider une expertise indépendante, mais qui pourrait être partagée par différentes villes, par exemple, différentes municipalités. Mais c'est clair qu'une analyse préalable des besoins et des gens qui s'y connaissent bien en technologie, pouvoir faire le pont entre les besoins et les solutions, c'est un premier rempart très important. Les villes aussi doivent avoir, on pourrait dire, accès à des outils de référence. Hein, justement, ce n'est pas uniquement les ressources humaines qui sont en cause, mais des outils de référence pour pouvoir faciliter leur travail dans ce processus-là d'évaluation, pouvoir circonscrire les enjeux qui sont soulevés d'un point de vue pratique, mais aussi d'un point de vue éthique, hein, voir quelles sont les valeurs qui sont en jeu dans les multiples situations où il peut y avoir des conflits de valeurs auxquels elles font face. Là, c'est là où l'avis de la commission vient apporter une plus-value, si on veut, pour aider les villes à faire face à ces questions-là, avec des mises en situation, par exemple, des listes de questions importantes à se poser, des aides-mémoire sur les principes, les valeurs importantes dans le monde municipal là, aujourd'hui. Si je me souviens bien, le journal La Presse rappelait il y a quelques semaines qu'en ce moment, à l'échelle de la province, il y a près de 340 000 ménages québécois qui n'ont pas accès à Internet ou du moins ont une connexion à faible débit. Alors, j'imagine que ça, c'est un enjeu pour la ville intelligente qui repose sur le numérique, parce qu'il faut avoir cet accès-là, donc il y a un enjeu d'équité. Oui, tout à fait. Ce n'est pas toutes les municipalités qui ont les moyens, même ce moyen-là de base, là, de devenir intelligente, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique qui se creuse entre les territoires, donc entre différentes régions sur le territoire, et qui se creuse aussi à l'intérieur des municipalités, entre différents groupes sociaux, des plus aisés, des plus à l'aise avec la technologie et d'autres qui seraient un peu laissés pour compte, si on veut, par le numérique. Mais en premier lieu, donc sur la question plus géographique, hein, il y a effectivement des régions qui n'ont pas encore accès à Internet à haute vitesse. Et c'est un écart entre des régions favorisées, défavorisées, qui a des répercussions importantes sur les bénéfices que peuvent aller recueillir ces régions-là les bénéfices du numérique. Des bénéfices qui vont se formuler en termes de connaissances et d'informations pour leur population, de services, d'accès à des services en ligne, mais aussi en termes de développement économique, par exemple. Et puis donc, récemment, d'ailleurs, dans le reportage de la presse, on faisait état d'une initiative conjointe entre le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et Hydro-Québec, qui évalue la possibilité d'utiliser le réseau d'Hydro-Québec pour étendre l'Internet haute vitesse à des territoires qui seraient mal ou peu desservis en termes de transport d'informations. Ce qui va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il faut viser un équilibre entre, d'une part, des projets de ville intelligente, des projets de développement de haute technologie qui, généralement, vont se situer dans des régions qui sont déjà favorisées de ce point-là, mais aussi s'assurer que, de l'autre côté, on ne laisse pas de régions... Orphelines de ces technologies. Et qu'il y ait aussi des mesures qui soient prises pour, on pourrait dire, rehausser, leur ramener les plus... les moins branchés à un niveau qui leur permette d'être... d'aller chercher les bénéfices possibles du numérique. Puis même dans un territoire où il y a cet accès à Internet haute vitesse, il y a quand même des gens qui vont être exclus du numérique tout simplement parce qu'en fonction de leurs revenus, s'ils n'ont pas les moyens d'avoir un ordinateur, une tablette ou une connexion Internet haute vitesse, ou alors des personnes âgées qui se sont pas mis dans le rythme ou qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique. Oui, tout à fait. La facture numérique, c'est quelque chose qui existe aussi entre les individus, donc entre des générations, entre des individus de situations socio-économiques différentes, mais aussi des individus avec des capacités cognitives différentes. Donc, l'Internet n'est pas nécessairement un endroit extrêmement convivial pour les gens avec une déficience intellectuelle, par exemple. Il n'y a pas de raison que ces gens-là soient laissés pour compte pour autant. Pour l'ensemble de ces personnes-là, dans les recommandations de la Commission, on cherche, d'une part, à profiter du fait que le Québec se dote d'une stratégie numérique qui devrait être annoncée là, incessamment cet automne pour favoriser le développement des compétences numériques, d'une part, chez la population. S'assurer aussi que les sites web, les applications mobiles soient compréhensibles, conviviales. Il y a des moyens qui existent, des standards déjà, donc des normes qu'on appelle d'accessibilité universelle, de manière à ce que, justement, l'accessibilité du numérique soit accrue. Il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant dans les recommandations de la Commission, c'est de se doter d'un observatoire du numérique qui vise à dresser, maintenir à jour un portrait de la situation québécoise concernant la fracture numérique. La mission d'un tel organisme, que ce ne soit pas nécessairement un organisme nouveau, ça peut être aussi quelque chose qui est donné à un ministère déjà existant, la mission serait de fournir de l'information de qualité, alimenter les plans d'action qui vont découler de la stratégie numérique, de manière à élaborer des politiques qui visent à assurer l'inclusion numérique, et aussi pour nous assurer que les projets de ville intelligente soient ajustés aux réelles caractéristiques de la population. Puis, dans un autre ordre d'idée, on entend souvent que la ville intelligente peut aider la démocratie parce que ça permettrait de consulter davantage la population en recueillant les commentaires, par exemple, par différents moyens de les consulter, d'avoir leur avis. Donc, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Il y a effectivement des outils numériques qui permettent d'accroître ou du moins de bonifier les consultations publiques. De manière générale, c'est un champ qui est effectivement exploré, qui est beaucoup mis de l'avant. Il y a plusieurs bémols à apporter quand même sur l'apport possible des technologies numériques à la démocratie. D'une part, il faut se méfier de l'aura de vérité incontestable qui peut des fois venir avec les données objectives, les données quantifiées et leur analyse. La décision publique, là, même si elle doit s'appuyer sur des faits, évidemment, ne se limite pas à un exercice d'analyse de données quantifiées, ce qui est généralement ce qu'on va recueillir là, avec le numérique. Et donc, une confiance démesurée à l'égard des données quantitatives, ça pourrait occulter d'autres sources d'informations qui sont pourtant légitimes et importantes pour la prise de décision. Donc, quelque chose à avoir en tête, dans le fond, lorsqu'on déploie ces... C'est-à-dire qu'il y a des aspects qualitatifs qui ne seraient pas traduits par les données quantitatives? Oui, et puis il y a des aspects aussi de délibération politique, là, en bonne et due forme, des enjeux qui ne se laissent pas bien saisir, si on veut, à travers la seule lunette quantitative. D'accord. Et dans des cas comme ça, c'est important de pouvoir justement complémenter cette information-là à partir de sonder des fois les raisons derrière les réponses des citoyens. De manière générale, en fait, un des points importants, c'est que l'utilisation des moyens numériques là, pour soutenir la démocratie, ça doit surtout assurer l'inclusion du plus grand nombre de citoyens possible et du plus grand nombre de points de vue possible. Et c'est là où on rejoint un peu ce dont on parlait là, avec la fracture numérique, c'est-à-dire qu'il y a aussi un risque de surreprésentation de la portion qui est la plus branchée de la population. Ah ben oui. Parce qu'évidemment, ces gens-là, on s'attend à ce que ça soit eux qui produisent l'essentiel des données et que ce soit donc leurs pratiques, leurs besoins qui soient les mieux connus des décideurs. Donc, pour éviter cette conséquence-là, c'est-à-dire que que ce soit essentiellement leurs besoins, leurs pratiques qui soient à la base de la prise de décision et qui informent les politiques publiques, c'est important, encore une fois, de maintenir une variété dans les modes de consultation. Donc, des plus traditionnels à d'autres plus, plus nouveaux, qui sont ceux qui sont rendus passés par le numérique. Donc, ça, c'est extrêmement important. Justement, c'est une des mesures aussi qui permettent de contrer la fracture numérique et ses effets néfastes là, sur la vie démocratique. Et de manière plus générale encore, je pense que ce qui est important de dire, c'est que les solutions technologiques doivent non pas être uniquement vues comme un moyen d'améliorer les pratiques ici dans le cadre de la démocratie, mais aussi comme un objet même de la délibération démocratique. Un objet de délibération démocratique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces solutions numériques-là, ces solutions technologiques-là, doivent encore être discutées sur la place publique par les citoyens pour les finalités. Quelles sont les finalités qui vont être poursuivies par leur utilisation? Quels sont les effets néfastes qui peuvent en découler? Et il y a des décisions encore importantes à prendre qui ne peuvent pas se faire uniquement entre experts. Par exemple, on peut se demander si l'utilisation des technologies complexes, souvent très opaques, risque de transférer de manière quand même indue là, du pouvoir à des experts qui sont non élus, donc ceux qui maîtrisent le langage, la programmation, qui maîtrisent l'analyse de données. Est-ce que ces gens-là acquièrent un pouvoir supplémentaire? Ouais. Et en fait, jouissent des fois d'un peu d'un aura prophétique, c'est-à-dire que on leur fait confiance, c'est eux qui ont les connaissances pour analyser les données, mais ils ont quelque chose de très opaque entre les mains, que la population générale et même plusieurs élus ne comprennent pas réellement. D'autre côté, est-ce qu'on est bien au fait des biais qui peuvent se glisser dans les algorithmes qui vont être utilisés pour traiter, analyser ces données-là? Donc, encore une fois, qui est imputable de ces biais-là? Comment se partagent les responsabilités entre les acteurs lorsque des actions vont être posées sur la base d'informations qui sont issues donc de ces données-là, mais sinon même aussi d'algorithmes qui sont apprenants, qui sont de plus en plus autonomes. Donc, c'est des questions qui sont extrêmement importantes sur lesquelles on croit que les citoyens doivent avoir encore à dire. Effectivement, oui. Et dans la ville intelligente aussi, on le voit, il y a beaucoup de données collectives et analysées. Comment est-ce que ça se répercute aussi sur la protection de la vie privée? C'est un enjeu extrêmement important. La ville intelligente n'existe pas, si on veut, sans les données. C'est ça. C'est sa nourriture de base, si on veut dire. Qu'est-ce que mange en hiver une ville intelligente? Des données. Donc, ça repose à la disponibilité de données qui sont nombreuses, qui sont variées, qui proviennent de sources qui sont très hétérogènes, que ce soit l'activité des utilisateurs en ligne, des capteurs dispersés dans la ville, des caméras, des puces d'identification par radiofréquence, des téléphones intelligents, des systèmes de localisation GPS. Donc, on a une foule de sources de données qui sont ensuite recoupées. Et le recoupement de ces données-là soulève un ensemble de questions là, critiques par rapport au consentement, à la protection de la vie privée et aux usages abusifs aussi qui peuvent être faits de ces données-là. Plus on a recours aux données, plus on a recours à des données massives, hein, qu'on appelle donc des très grands ensembles de données, qu'on interroge essentiellement en faisant ce qu'on appelle du data mining, du forage de données, donc sans... En allant chercher les corrélations qui émergent plutôt qu'en leur posant une question spécifique. Donc, ces données-là auxquelles on a recours, généralement, sont collectées sans que l'usage soit déjà prévu d'emblée. Hein. Comme je dis, on interroge des ensembles de données. On verra ce qu'on en fera. C'est ça. On lance des algorithmes, puis on attend de voir des corrélations. Donc, c'est difficile de dire, selon nos lois actuelles, on devrait demander le consentement explicite pour chaque utilisation, pour chaque finalité pour laquelle sont utilisées les données. Dans le cas des données massives, ça devient de plus en plus difficile de faire ça. Et c'est difficile de dire qu'à ce moment-là, on ne va simplement pas le faire, parce que c'est ce qui rend l'utilisation des données massives particulièrement attrayante, hein, la possibilité d'interroger justement ces grands ensembles de données-là, se faire recouper des données qui sont a priori disparates, puis de générer ainsi des connaissances qui sont nouvelles. Donc ça soulève des questions importantes. Donc, à savoir quelle devrait être la responsabilité des villes pour assurer l'équilibre entre les bénéfices qui sont tirés et les possibles atteintes aux droits et libertés individuelles. Par exemple, des questions importantes sont de l'ordre de savoir si les données pourraient servir à opérer un triage social, spatial. Donc, si on définit, par exemple, à partir de l'ensemble des données sur le comportement des gens, sur les déplacements, par exemple, on pourrait définir des patrons de comportement de mobilité, des déplacements types. Et qui dit déplacement type ou normalité, on peut identifier à ce moment-là ce qu'on appellera des situations qui sont déviantes. Est-ce qu'à partir de là, on peut catégoriser des citoyens? Est-ce que ça peut mener à des pratiques qui sont discriminatoires, des pratiques de contrôle. On peut penser à la surveillance de certains citoyens, profilage politique, répression, contrôle social ou de la discrimination de certains groupes. Donc, des éléments qu'on connaît déjà, mais qui pourraient être rendus beaucoup plus aigus là, avec la quantité de données qui sont générées à l'intérieur des villes. On peut aussi penser à des profilages qui sont à visée commerciale. Hein, donc, qui permettraient, par exemple, de reconfigurer des espaces urbains selon le profil en ligne de la personne. Donc, est-ce qu'éventuellement, comme Amazon sur Internet est capable, lorsqu'on se connecte sur le site, va nous proposer des suggestions de lecture selon notre historique de recherche, est-ce que notre mobilier urbain et éventuellement la réalité augmentée va reconfigurer notre espace, dans le fond, selon nos historiques de recherche? On ouvre une grande boîte de Pandore. Ouais, effectivement. C'est quand même beaucoup de questions. Et tout ce dont vous venez de parler, là, c'est quand même beaucoup de questions. Donc, dans cet avis là, que la Commission a publié, quelles sont les recommandations? Oui, bien, sur les questions plus spécifiques, là, la vie privée, je pense que c'est le moment. On est à un moment où le Québec va être en renouvellement là, bientôt de sa loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels, ce qu'on appelle la loi d'accès à l'information, ou la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Donc, on est à un moment où on devrait pouvoir utiliser cette tribune-là, donc cette révision de la loi-là, pour aborder ces questions-là, pour se doter d'un cadre normatif, un cadre législatif qui est plus adapté à la situation. Donc, là, évidemment, la commission n'a pas les réponses à tout. Là, c'est des questions qui sont extrêmement importantes, qui vont aussi faire l'objet de travaux futurs. Mais de manière générale ou minimale, on peut dire que ce serait assez important de mettre de l'avant une optique de respect de la vie privée, de la dignité des personnes et de faire en sorte que les décisions qui sont prises doivent viser à mettre en œuvre des systèmes qui soutiennent le respect de la vie privée dans une approche qu'on appelle de protection dès la conception, le privacy by design. Mm-hmm. Donc, le système lui-même, d'emblée, tienne compte du respect de la vie privée et maximise même, en fait, la protection de la vie privée. L'utilisation des données qui devrait être priorisée. Alors, évidemment, on pense à l'inclusion, à la reconnaissance, à la protection des personnes par l'élaboration de politiques sociales mieux adaptées aux différentes réalités. Parce que les données recueillies peuvent servir à plein de fins qu'on considérera abusives, mais elles sont aussi très, très utiles lorsqu'elles permettent de mieux ajuster, de mieux personnaliser, si on veut, certaines politiques publiques selon les besoins d'un territoire particulier, besoins de certains groupes. Donc, de viser justement une diversité de données sur des groupes marginalisés, par exemple, peut mener d'un côté à de la stigmatisation, mais peut aussi être utilisé à des fins d'inclusion. Donc, déjà, si dans nos finalités au départ, on met ça bien au clair et que nos lois répondent à ces principes-là, on a un bon bout de chemin de fait. Là, il y a plein d'autres solutions qui peuvent être mises de l'avant. Je vous invite à consulter l'avis de la commission pour en savoir davantage, notamment qu'est-ce que les villes pourraient faire pour mieux connaître les données qui sont qu'elles possèdent, parce que souvent les villes ne sont même pas au fait de l'ensemble des ensembles de données qu'elles ont en leur possession, s'assurer qu'ils soient hébergés de manière sécuritaire, etc. Mais on a plusieurs recommandations à cet effet-là aussi pour... Dominique, on aimerait ça connaître les grandes lignes, donc les grandes recommandations que propose la commission. Bien, c'est ça. Il y a plusieurs mesures concrètes. Il y a 30 mesures qui sont proposées à l'intérieur de la vie. Quelques-unes ont été discutées plus tôt dans la chronique. Donc, de manière très générale, si on veut résumer la position de la Commission, c'est 4 grands principes qui devraient guider le développement des villes intelligentes. D'une part, maximiser les bénéfices sur le plan du bien commun. Lorsqu'on parle ici de favoriser l'intérêt public qui doit primer sur l'intérêt privé. Et c'est toutes les mesures qui nous permettent qui permettent aux municipalités de faire face aux pressions économiques et aux pressions du marché, notamment, auxquelles elles font face. Deuxièmement, éviter, réduire le plus possible les préjudices potentiels qui peuvent être portés à la dignité, la vie privée, la vie démocratique. Donc, des fois, il n'y a pas de risque zéro. Donc, on met de l'avant des projets, des programmes, des solutions numériques. Elles qui, par exemple, vont viser le bien commun, selon le premier principe, il y aura des risques malgré tout, qui accompagnent ces initiatives-là. L'idée, c'est d'avoir des mesures de réduction de ces risques-là et de pouvoir bien les prévoir, dans le fond. Donc, d'évaluer les risques et de bien prévoir comment les gérer par la suite. D'un point de vue de l'équité, mais à s'assurer que les bénéfices, les préjudices possibles sont bien distribués, sont distribués de manière équitable. Donc, évidemment, que ce ne soit pas toujours le même groupe qui a les bénéfices mm-hmm. et un autre groupe à côté qui en subit les impacts négatifs. Donc, il y a une question aussi d'équilibre, si on veut, mm-hmm. dans la distribution des bénéfices et des risques. Et enfin, de manière très générale, s'assurer que les bénéfices attendus pour la collectivité et pour les individus soient toujours supérieurs aux inconvénients. Donc, c'est le seuil minimal vraiment d'acceptabilité. C'est difficile à évaluer cependant parce qu'on en a parlé, là, je pense que c'est quand même un peu évident au regard de tout ce qu'on a pu dire. On a plusieurs facteurs qui sont difficilement commensurables. Hein. Ouais. Comment est-ce qu'on met dans la balance d'un côté la vie privée, de l'autre côté des économies, de l'autre côté des mesures qui favoriseraient l'équité, mais qui auraient des répercussions sur la vie privée. Donc, on joue sur plusieurs tableaux en même temps, c'est difficile. Mettre bénéfices et inconvénients sur un même, dans une même métrique, si on veut, pour pouvoir bien les évaluer, c'est extrêmement difficile dans le contexte. Mais le principe est là, c'est d'avoir cette attention-là malgré tout pour s'assurer, essentiellement, encore une fois, qu'on ne se laisse pas avoir là, par des projets qui sont vendus, qui ont l'air très, très beaux, mais dont les bénéfices, au final, sont assez limités. Je pense que c'est un petit peu un bon avertissement à nous donner. C'est toujours un bon investissement pour toute gestion de fonds. Ben, je disais même avertissement, là, de d'éveiller nos lumières par rapport à toutes ces technologies qu'on nous propose comme ça. En fait, cet avis-là, il est public. Donc, Dominique, où est-ce qu'on peut le trouver si on veut en lire davantage sur le sujet pour mieux comprendre encore? Ben, vous allez le trouver assez facilement sur notre site Internet, qui est le éthique, ethique.gouv.qc.ca. Donc, il y a une page là, qui fait un résumé de l'avis. Vous avez évidemment aussi l'avis qui est disponible. Vous pouvez passer Qui est disponible gratuitement. Gratuitement, bien sûr, en format PDF. Donc, on n'a pas fait de format imprimé cette fois-ci dans un souci de développement durable. Nous sommes uniquement en format numérique. Mm-hmm. On trouvait que ça allait bien aussi avec le thème abordé. Vous pouvez aussi passer par notre page Facebook qu'on alimente régulièrement. Ouais. Pour pouvoir avoir accès aux différents contenus, que ce soit l'avis, mais aussi d'autres contenus complémentaires. Mm. Bien, voilà donc un peu de lecture, même peut-être beaucoup de lecture, parce qu'il est quand même assez long, cet avis. Donc, pour tous ceux qui veulent approfondir le sujet. Donc, merci beaucoup, Dominique. Avec plaisir, merci. Je rappelle que nous étions en compagnie de Dominique Clich, qui est conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. On va passer maintenant en pause publicité sur CKRL au 89.1. Et au retour, on se demande si l'homme est violent par nature. La réponse viendra avec le biologiste Cyril Barrette.